J'entends plus, ma guitare. Pa pa pa pa. Ta da da ta ta. Pourquoi j'entends plus la guitare? Peut-être parce que la truc est trop forte.